Je me souviens de ses bras, si chaud autour de moi. Je me souviens de ses mots, qu'elle m'a dit alors tout bas. Je me souviens de son visage, son sourire et ses yeux étonnés. Je me souviens de son parfum et du coup de ses baisers. Je me souviens de tout. Ils sont là quand c'est normal, quand il est sur son dernier lit, quand il doit faiblir un jour, quand il ne croit plus en lui. Ancrées à jamais en moi, ce sont les victoires.